Chapitre 17e. Dès son arrivée à l'hôtel de police, Canepharo fut conduit dans les locaux de l'équipe. Sans préambule, on lui mit l'arme sous le nez. « Monsieur Canepharo, connaissez-vous cette arme ?» demanda Volpi. « Évidemment, c'est mon Beretta. Qu'est-ce que cette arme y a foutre dans l'affaire ? Vous l'avez trouvée chez moi, n'est-ce pas ?»« Non. » »« Nous ne l'avons pas trouvée chez vous, mais chez Pronzatti, dans une enveloppe de papier Kraft. » Canepharo garda le silence pendant quelques secondes pour intérioriser le message. Il secoua tristement la tête en signe d'incompréhension. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » dit-il. « Cette arme est habituellement de l'armoire à fusil, mais l'autre jour je l'ai mise sous mon oreiller, par crainte d'une agression. »« Eh bien, » dit Pérez, « elle se trouvait dans un tiroir chez Pronzatti. Faut-il comprendre qu'il l'a prise à votre insu ?»« Évidemment, il n'y a pas d'autre explication. Qu'est-ce qu'il comptait en faire ?»« Qu'est-ce qu'il en a fait ?» Plutôt, une balle a été tirée. Il reste des traces de poudre sur l'arme. C'est vous qui vous en êtes servi ? Mais non, pas du tout. L'autre soir, je l'ai prise dans le tiroir de l'armoire à fusil et je l'ai glissée sous mon oreiller, au cas où, je vous l'ai déjà dit. Volpi réfléchit. Il y avait un détail qu'il ne comprenait pas. Si Pronzatti avait gardé l'arme, c'est qu'elle devait servir encore, à moins que... Monsieur Canepharo, à votre avis ? Si Pronzatti n'avait plus besoin de l'arme, pourquoi ne l'a-t-il pas remise à sa place, ni vu ni connu ? Parce que je lui ai repris les clés de chez moi. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que je ne suis pas tranquille. Si quelqu'un arrive à pénétrer chez lui, il peut rentrer chez moi comme il le veut. Pendant un temps, j'ai préféré minimiser les risques. Donc l'arme a servi et il n'a pas pu la remettre en place chez vous. C'est clair. Jejiga à son tour intervint. Depuis une heure, son mal de tête lui laissait un répit et elle en profitait. Le fait qu'il soit dans une enveloppe prouve que ce n'est pas Pronzatti qui s'en est servi. Lui, il l'aurait mise dans la poche de son blouson ou la boîte à gants de sa bagnole, vous ne croyez pas ? C'est donc quelqu'un d'autre qui s'est servi de l'arme et qui l'a rapporté à Pronzatti. Logique, non ? Tout à fait, lieutenant. Je partage votre déduction, dit Volpi. Canepharo était effondré, attristé, déçu. Mais qu'est-ce qu'il a été foutre, ce con ? Murmura-t-il. C'est ce qu'on va lui demander, dit Pérez. Restez là, monsieur Canepharo. Moussaoui et Pérez passèrent dans le bureau à côté où était interrogé Pronzatti. Jejiga lui mit sous le nez le sac plastique contenant l'enveloppe Kraft et le pistolet. Nous avons trouvé ceci dans un tiroir chez vous. Vous nous expliquez ? Ça, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est vous qui l'avez mis dans mon tiroir. Il n'y avait rien dans ma commode. Jejiga décida de ne pas s'énerver. Volpi lui jeta un coup d'œil pour juger s'il fallait la laisser continuer ou prendre l'interrogatoire en main. Elle avait réellement l'air serein. Comment tu savais que c'était un tiroir de la commode ? Je te l'ai pas dit, ça. Bon, écoute, papy. Même ton avocat te dira que c'est inutile de nous traiter de menteurs. T'as perdu d'avance. Cette enveloppe et le flingue qui est dedans sont farcis d'empreintes. Tu perds ton temps. Alors je repose la question. Explique-nous ce que faisait ce pistolet chez toi. J'en sais rien. C'est pas moi qui l'ai mis. Alors c'est qui ? Je sais pas. Ah, je vois. Le paquet est venu tout seul, sur ses petites papattes. Il a sauté dans le tiroir et hop, il l'a refermé. Génial. Allez, arrête tes conneries et accouche. Un brigadier vint tendre une feuille à Volpi. Il la lut avidement. Ne vous fatiguez plus, lieutenant. On a la solution. Puis, s'adressant à Pronzatti, le paquet et l'arme ont été touchés par la même personne qui a manipulé le fusil de votre patron. Si ce n'est pas vous, c'est donc cette personne qui s'est servie du pistolet. Vous savez forcément sur qui on a tiré. Non, ça je sais pas. Mais donc, vous reconnaissez que c'est cette personne qui a utilisé l'arme et qui vous l'a rendue. Pronzatti ne répondit pas. Le prévenu hoche la tête, dit Volpi pour l'enregistrement. Ce petit vice de forme passa en douceur car Pronzatti ne connaissait pas le sens du verbe hocher. Bon. On avançait un peu. On va récapituler. Vous connaissez quelqu'un à qui vous avez prêté le fusil de M. Canepharo. Avec ce fusil, il a assassiné Anzilouti. Vous lui avez également prêté le pistolet de votre patron après l'avoir dérobé sous son oreiller. Pistolet avec lequel ce quelqu'un a tiré une cartouche. Sur qui ? Pronzatti n'eut aucune réaction. Il gardait la tête baissée. Fabreg, qui venait d'entrer, demanda par geste à Volpi l'autorisation d'interroger Pronzatti. Il essaya d'attaquer sous un autre angle. « Monsieur Pronzatti, on vous a vu en compagnie d'un homme d'un certain âge, maigre, les cheveux blancs, ressemblant à un curé, conduisant une mobilette et des fois une vieille quatrelle bleue. Vous pouvez nous dire de qui il s'agit ? » deuxième crack utilisé par l'équipe. Décidément, se dit Volpi, il apprend vite, le petit Fabreg. En fait, ce mensonge n'en était pas vraiment un, car l'enquête de voisinage venait de récolter le témoignage d'un riverain qui, en taillant sa haie, avait aperçu un vieux en mobilette se dirigeant vers la villa de Caneparo. Alors, monsieur Pranzati, c'est qui ce gars ? Oh, je connais pas de curé, je crois pas en Dieu. Ce qui était vrai, mais qui ne répondait pas à la question. Je ne vous ai pas dit que c'était un curé. J'ai dit qu'il ressemblait à un curé. C'est un ami, un marchand d'habits. Pranzati restait fermé comme une huître, mais son attitude voûtée, le mouvement de ses mains, ses reniflements nerveux, prouvaient qu'on avait accédé à une zone occupée de son cerveau. « Il vous fait peur, cet homme ? Vous ne pouvez pas parler, c'est ça ?» dit Fabreg, du ton doux avec lequel on rassure un enfant. « Je ne sais pas comment il s'appelle. » finit par marmonner Pranzati après avoir poussé un grand soupir. Un tressaillement de joie parcourut l'épiderme de chacun des flics présents. Il était 9 heures du soir. On tenait enfin quelque chose. Le fantôme prenait doucement enveloppe humaine. Avant de songer à se détendre et desserrer l'étau, il fallait assurer le coup. « Vous connaissez donc un homme d'un certain âge qui est venu vous voir, mais vous ne savez pas son nom, c'est bien ça. » Monsieur Pranzati hoche la tête, mais il ignorait toujours le sens de ce mot. Il était tard, mais on lança un avis de recherche pour un homme blanc, entre 65 et 75 ans, les cheveux blancs, maigres, voûtés, se déplaçant en mobilette ou en quatre ailes bleues pâles, et ayant quelquefois avec lui un petit noir d'une douzaine d'années. On passa également en préfecture la recherche des quatre ailes des environs, datant d'une trentaine d'années au moins, peintes, si possible, d'une couleur bleue pâle. Ce qu'on tenait n'était pas du béton, mais on ne pouvait en faire l'impasse. Pérez eut soudain une autre idée. Elle s'en ouvrit aux autres dans le couloir. Pranzati a reconnu implicitement qu'il avait peur de notre fantôme. J'ai envie de passer une petite info à la Provence, disant que l'une des personnes impliquées dans l'affaire a fait des révélations. Si l'ombre tombe sur l'article, il pensera que Pranzati a lâché le morceau. Au remords de plus ou de moins, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Nous allons relâcher Pranzati et mettre ce logement sous surveillance 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous en pensez, patron ? Vous allez le transformer en chèvre, plaisanta Volpi. Oui. S'exclama Pérez. Une chèvre surveillée par des mulets. Tu n'as pas peur que ça se termine en bain de sang pour Pranzati ? Demanda Jedjiga, oubliant le vouvoiement. Il faudra intercepter votre homme avant qu'il n'arrive jusqu'à Pranzati, dit Volpi. Moi, ce que je crains plutôt, c'est que l'un de nous prenne une bastos. C'est un coup risqué, mais on devrait y arriver. On est des pros, non ? Allez, demain on s'y colle. Pour ce soir, basta, on a assez travaillé. Le lendemain, dès son arrivée, Pérez fut appelé par le commissaire Volpi. « Asseyez-vous, capitaine, j'ai une info de première pour notre enquête. » Il croisa ses doigts et frotta ses pommes l'une contre l'autre, comme un prêtre se préparant à débiter un sermon dont il attend beaucoup. « Voilà. Hier, j'ai dîné avec mon ami, enfin mon frère, parce que pour moi c'est plus qu'un ami, Serge Michaud. Il est divisionnaire comme moi au SRPJ de Marseille. » Comme d'habitude, nous avons parlé des affaires qui nous préoccupaient. Eh bien, figurez-vous qu'il a lui aussi sur les bras un Italien assassiné dont le passé s'arrête à la frontière, comme Anzilutti et Caneparo. Il se nomme, il chercha sur son iPhone, Enzo Gennarino. Enfin, il se nommait, devrais-je dire, natif de Segondigliano, province de Naples, comme les deux autres. Il a été abattu d'une balle de Beretta 9 mm dans la tête dans la cuisine de son resto à l'Estac. Je le connaissais, ce type. J'ai dîné 3 ou 4 fois chez lui. Mamma mia, les involtini au poisson, je vous dis pas. Dommage, enfin pour le type, hein, pas pour les involtini. Nous avons pensé qu'à tout hasard, cela valait le coup de confronter les deux affaires. On ne sait jamais, il y a peut-être un lien, non ? Bien sûr, patron, on peut toujours essayer. Bien, vous irez à l'évêché et vous demanderez le divisionnaire Michaud, Serge Michaud de ma part. Il vous ouvrira toutes les portes de sa boutique. Vous verrez, je suis sûr que vous accrocherez avec lui. Et dans un sourire, Volpi ajouta, il est plus sympa que moi. Vous voulez que je vous dise que vous êtes l'homme le plus sympathique du monde, commissaire, c'est ça. Je ne vous ai rien demandé, Pérez. L'important, c'est que vous le pensiez. Toujours cet humour aigre-doux qui avait le don de la mettre sur des braises. Ah, pensa-t-elle, si j'avais la côte avec lui, qu'est-ce que je lui en ferais baver ? Et soudain, Volpi se mit à chantonner une comptine enfantine. « Uno d'uno tre, la pepina fa il café di cioccolata, la Pepina l'innamorata. » Pérez ouvrit des yeux ronds. « Vous allez bien, patron ?»« Uno, due, tre, ça fait notre troisième mort dans cette affaire. » Ça me fait penser à cette comptine que me chantait ma grand-mère quand j'étais petit. Je n'ai pas tout compris, patron. Ça veut dire, et Volpi se remit à chanter, 1, 2, 3, la Pépina fait le café au chocolat. La Pépina est amoureuse. Il y a plusieurs variantes, mais je n'ai retenu que celle-là, dit-il d'un air attendri. La Pépina a le cœur brisé, ajouta-t-il en riant.